Daniel chapitre 4. Le roi Nebuchadnezzar, à tout peuple, nation et langue qui habite en toute la terre, que votre paix soit multipliée. Il m'a semblé bon de vous déclarer les signes et les merveilles que le Dieu souverain a faites envers moi. Oh, que ces signes sont grands, et ces merveilles pleines de force. Son règne est un règne éternel, et sa puissance est de génération en génération. Moi, Nebuchadnezzar, j'étais tranquille dans ma maison, et dans un état florissant au milieu de mon palais. Lorsque je vis un songe qui m'épouvanta, et les pensées que j'eus dans mon lit, et les visions de ma tête me troublèrent. Et de par moi fut fait un édit, qu'on fit venir devant moi tous les sages de Babylone, afin qu'ils me déclarassent l'interprétation du songe. Alors vinrent les magiciens, les astrologues, les chaldéens et les devins, et je récitai le songe devant eux, mais ils ne m'en purent point donner l'interprétation. Mais à la fin Daniel, qui a nom Belteshazzar, selon le nom de mon Dieu, et auquel est l'esprit des dieux saints, entra devant moi, et je récitai le songe devant lui, en disant, Belteshazzar chef des mages, comme je connais que l'esprit des dieux saints est en toi, et que nul secret ne t'est difficile, écoute les visions de mon songe que j'ai vu, et dis son interprétation. Les visions donc de ma tête sur mon lit étaient-elles, voici, je voyais un arbre au milieu de la terre, la hauteur duquel était fort grande. Cet arbre était devenu grand et fort, son sommet touchait les cieux, et il se faisait voir jusqu'au bout de toute la terre. Son branchage était beau, et son fruit abondant, et il y avait de quoi manger pour tous, les bêtes des champs se mettaient à l'ombre dessous de lui, et les oiseaux des cieux habitaient dans ses branches, et toute chair en était nourrie. Je regardais dans les visions de ma tête sur mon lit, et voici, un veillant et saint descendit des cieux. Il cria à haute voix, et parla ainsi, coupez l'arbre, et les branchez, jetez ça et là son branchage, et répandez son fruit, que les bêtes s'écartent de dessous lui, et les oiseaux d'entre ses branches. Toutefois laissez le tronc de ses racines dans la terre, et l'ayant lié avec des chaînes de fer et d'airain, qu'il soit parmi l'herbe des champs, qu'il soit arrosé de la rosée des cieux, et qu'il ait sa portion avec les bêtes en l'herbe de la terre. Que son cœur soit changé pour n'être plus un cœur d'homme, et qu'il lui soit donné un cœur de bête, et que cette tente passe sur lui. La chose est par le décret des veillants, et la demande avec parole des saints, afin que les vivants connaissent que le souverain, domine sur le royaume des hommes, et qu'il le donne à qui il lui plaît, et y établit le plus abject des hommes. Moi, Nebuchadnezzar, roi, j'ai vu ce songe, toi donc, Belteshazzar, dis son interprétation, car aucun des sages de mon royaume ne m'en peut déclarer l'interprétation, mais toi, tu le peux, parce que l'esprit des dieux saints est en toi. Alors Daniel, dont le nom était Belteshazzar, demeura tout étonné environ une heure, et ses pensées le troublaient, et le roi lui parla, et dit, Belteshazzar, que le songe ni son interprétation, ne te trouble point. Et Belteshazzar répondit, et dit, mon seigneur, que le songe arrive à ceux qui t'ont en haine, et son interprétation à tes ennemis. L'arbre que tu as vu, qui était devenu grand et fort, dont le sommet touchait les cieux, et qui se faisait voir par toute la terre, et dont le branchage était beau, et le fruit abondant, et auquel il y avait de quoi manger pour tous, sous lequel demeuraient les bêtes des champs, et aux branches duquel habitaient les oiseaux des cieux. C'est toi-même, ô roi, qui est devenu grand et fort, tellement que ta grandeur s'est accrue, et est parvenue jusqu'aux cieux, et ta domination jusqu'au bout de la terre. Mais, quant à ce que le roi a vu le veillant, et le saint qui descendait des cieux, et qui disait, coupez l'arbre, et les branchez, toutefois laissez le tronc de ses racines dans la terre, et qu'il soit lié avec des liens de fer et d'airain parmi l'herbe des champs, qu'il soit arrosé de la rosée des cieux, et qu'il ait sa portion avec les bêtes des champs, jusqu'à ce que cet temps soit passé sur lui. C'en est ici l'interprétation, ô roi, et c'est ici le décret du souverain, lequel est venu sur le roi, mon seigneur. C'est qu'on te chassera d'entre les hommes, ton habitation sera avec les bêtes des champs, et on te pétera d'herbe comme les bœufs, et tu seras arrosé de la rosée des cieux, et sept tentes passeront sur toi, jusqu'à ce que tu connaisses que le souverain, domine sur le royaume des hommes, et qu'il le donne à qui il lui plaît. Mais, quant à ce qui a été dit, qu'on laissa le tronc des racines de cet arbre-là, c'est que ton royaume te sera rendu, dès que tu auras connu que les cieux dominent. C'est pourquoi, ô roi, que mon conseil te soit agréable, et rachète tes péchés par la justice, et tes iniquités en faisant miséricorde aux pauvres, voici, ce sera une prolongation à ta prospérité. Toutes ces choses arrivèrent au roi Nebuchadnezzar. Au bout de 12 mois, il se promenait dans le palais royal de Babylone. Et le roi prenant la parole, dit, « N'est-ce pas ici Babylone la grande, que j'ai bâtie pour être la demeure royale, par le pouvoir de ma force, et pour la gloire de ma magnificence ?» La parole était encore dans la bouche du roi, quand une voix vint des cieux, disant, « Roi Nebuchadnezzar, on t'annonce que ton royaume te va être ôté, et on va te chasser d'entre les hommes, et ton habitation sera avec les bêtes des champs, on te pétera d'herbe comme les bœufs, et 7 ans passeront sur toi, jusqu'à ce que tu connaisses que le souverain domine sur le royaume des hommes, et qu'il le donne à qui il lui plaît. » À cette même heure-là cette parole fut accomplie sur Nebuchadnezzar, et il fut chassé d'entre les hommes, il mangea l'herbe comme les bœufs, et son corps fut arrosé de la rosée des cieux, jusqu'à ce que son poil crût comme celui de l'aigle, et ses ongles comme ceux des oiseaux. Mais à la fin de ces jours-là, moi, Nebuchadnezzar, je levai mes yeux vers les cieux, mon sens me revint, je bénis le souverain, je louai et j'honorai celui qui vit éternellement, duquel la puissance est une puissance éternelle, et le règne de génération en génération, et au prix duquel tous les habitants de la terre ne sont rien estimés, il fait ce qui lui plaît, tant dans l'armée des cieux, que parmi les habitants de la terre, et il n'y a personne qui empêche sa main, et qui lui dise, « Qu'as-tu fait ?» En ce temps-là, mon sens me revint, et je retournai à la gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me furent rendues, et mes conseillers et mes gentilshommes me redemandèrent, je fus rétabli dans mon royaume, et ma gloire fut augmentée. Maintenant donc, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte, et je glorifie le roi des cieux, duquel toutes les œuvres sont véritables, ses voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil.